Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le spectacle Starstock du 30 juillet 2003. C'est l'acteur canadien Dan Aykroyd qui présente les Rolling Stones aux demi-million ou à peu près de spectateurs venus assister au spectacle Toronto Rocks, qu'on a aussi appelé Starstock, présenté à Toronto le 30 juillet 2003. Une quinzaine de groupes musicaux vont succéder sur scène lors de ce spectacle qui s'étend sur toute une journée. L'idée du spectacle est simple, amasser de l'argent pour les victimes du SRAS, le syndrome respiratoire sévère, et de relancer l'activité économique et le tourisme à Toronto, qui a été l'une des villes les plus touchées par le SRAS dans le monde. L'animatrice Karine Lefebvre, qu'on va retrouver à l'animation de l'émission le 15-18, une partie de l'été, est avec nous. Elle a accepté de participer à notre série d'émissions spéciales où des collègues de la boîte viennent nous parler de sujets qui ont retenu leur attention. Karine Lefebvre, bonjour. Bonjour, Jacques. Ce qui est incroyable avec l'histoire de ce spectacle, Toronto Rocks, qu'on a aussi appelé Starstock, c'est que c'est techniquement, Karine Lefebvre, le plus gros événement, le plus gros spectacle musical rock de toute l'histoire du pays. Moi, je ne m'en souvenais absolument pas et je pense que beaucoup de nos auditeurs se souviennent absolument pas de ce spectacle-là. Énigme, pourquoi ce grand trou vide? C'est vrai que c'est très curieux qu'un spectacle de cette envergure-là, qui avait été aussi monté pour une cause noble, c'est-à-dire redorer l'image de Toronto sur le plan international en pleine épidémie de SRAS, n'ait pas marqué les esprits. Évidemment, il y a quelques pistes qui nous laissent deviner pourquoi. D'emblée, parce que c'est un concert des Rolling Stones, qui n'est pas un groupe canadien, je vous apprends rien, ouais. Jacques. Mais aussi parce qu'on l'a d'emblée vendu comme un gros événement qui amasserait des sous, qui marquerait l'histoire de la musique canadienne. Et dans les faits, ça s'est avéré être un événement plutôt chaotique, ouais, qui n'a pas eu les retombées financières espéré, qui n'a pas fait rayonner la musique canadienne, anglophone comme francophone, au-delà de cet événement-là, qui n'a pas été un fiasco tout de suite, mais qui a créé un certain remous quand même, et qui a été la cible de moquerie à l'époque. Vous avez évoqué SARS-Stock. Oui. Bon, en référence à Woodstock, ce grand festival musical de 1969 qui avait attiré à peu près 400 000 personnes sur plusieurs jours. C'était un peu annonciateur des défis qu'allait rencontrer Toronto Rock. Ouais. Vouloir réunir autant de gens en un seul endroit et penser qu'il n'y aura pas de pépins techniques et que tout se passera à merveille, c'était ambitieux, disons. Ça peut peut-être expliquer pourquoi le spectacle n'aura pas marqué les esprits. Ouais, même si ça reste le plus gros spectacle encore à ce jour. Bien sûr. Mettons que les ambitions étaient trop fortes. On n'a pas réussi à atteindre ce qu'on s'était fixé comme objectif. Il y a un effet un peu pétard mouillé. On peut dire ça comme peut-être ça. Peut-être aussi, oui. Ouais. Et il faut dire qu'on espérait un rayonnement international, ouais, aussi, puis on s'en parlera dans quelques minutes. La diffusion internationale, ouais, du spectacle va rencontrer plusieurs difficultés et les médias internationaux, en dehors, disons, du New York Times, peut-être de la BBC ou encore de CNN, vont relativement bouder l'événement, ce qui en fait qu'il n'aura pas le rayonnement médiatique non plus escompté. Ouais. Avant de parler du spectacle, de ce déroulement, ça va encore une fois se dérouler sur toute une journée, cet enchaînement de groupes sur cette scène dans la région de Toronto. Un petit mot sur le contexte. On le disait, c'est le point de départ du spectacle, c'est ce fameux SRAS. C'est dans ce contexte-là qu'on organise ce grand concert en juillet 2003 à Toronto. Rappelez-nous ce que ça a été, cette crise-là, la crise du SRAS, pour une ville comme Toronto. Oui, bien, familier maintenant avec un mot comme celui de coronavirus. Oui. Hein, mais à l'époque, on était plus ou moins au courant de ce qui se passait. On place le début de l'épidémie à la fin décembre 2002 dans une province de Chine, la province de Guangdong. Et encore comme que nous vivons en 2019-2020 avec le coronavirus. L'OMS pense que le virus aurait migré de l'animal à l'humain. Et les premiers cas recensés partaient d'un mariage auquel aurait assisté une Canadienne de 78 ans qui va donc quitter la Chine à la fin du mois de février pour revenir à Toronto. La dame va décéder rapidement, non sans avoir refilé le virus à son fils, qui va aussi en décéder. Et très, très tôt, au début du mois de mars, le gouvernement ontarien et Santé Canada seront donc informés de cet épicentre que semble devenir Toronto. On n'a pas encore on comprend pas tout à fait encore l'ampleur que prendra le virus dans les prochaines semaines, mais rapidement, on va isoler notamment l'hôpital de Scarborough comme étant une zone chaude, un autre terme avec lequel on est devenu familier. À la fin du mois de mars, le premier ministre ontarien, Ernie Eves, va déclarer l'état d'urgence. Et là, on va vraiment prendre la mesure en quelques mois, à peu près sur 4 mois, de ce que ce virus-là peut faire. Donc, décès rapide, sévères complications pulmonaires. Et au total, la ville de Toronto vivra 2 vagues, 438 cas, 44 décès. Et évidemment, l'impact économique et l'impact touristique va être énorme pour une ville comme celle de Toronto. Les gens ne veulent plus y aller. Moi, je n'avais pas réalisé ça, mais en préparant le dossier, Toronto, à l'extérieur de la Chine, Karine Lefebvre, est la ville la plus touchée par le SRAS. Absolument. Alors, c'est pour vous donner la mesure de comment on le ressent dans la ville reine. On estime à peu près 60 millions de dollars les pertes directes économiques. L'industrie du tourisme va être aussi très touchée. Le tiers des emplois vont être perdus. On estime à 100 000 personnes qui vont annuler leur plan de visiter Toronto dans les premiers mois de l'épidémie. Et même si l'OMS va retirer Toronto de sa liste des endroits à ne pas visiter vers la fin du printemps, le stigmate est très important. Et c'est là qu'on va se demander comment faire pour inciter les gens à revenir vers Toronto et les convaincre que la ville est sécuritaire. D'où l'idée de ce concert. Venez, voyez, on est autant de monde à se rassembler pour écouter entre autres les Rolling Stones. C'est spécial. Qui a l'idée, cela dit, de ce fameux concert? Alors, à la mi-mai 2003, le sénateur Jerry Grafstein et le député libéral Dennis Mills, qui est installé dans Toronto-Danforth, qui est là depuis déjà, à l'époque, une quinzaine d'années, vont imaginer ce grand concert, un grand événement qui dirait donc au monde entier, venez vous entasser. On n'est pas dangereux. On n'est pas dangereux. Il n'y a pas de danger. Ouais. Au moment où ils font cette annonce-là, simplement préciser, il y a encore des décès du SRAS à Toronto. C'est encore un virus contagieux. Donc, c'est un pari, disons-le, risqué. Tout de suite, les critiques fusent. D'abord, est-ce que c'est sécuritaire? Quel est le lien entre une épidémie et un concert rock? Et on annonce tout de suite qu'on aura le soutien des Rolling Stones qui vont accepter d'interrompre leur tournée mondiale pour venir à Toronto en support à la ville. Et là, ben, rapidement, les gens vont dire, mais où sont les artistes canadiens? En quoi ça nous représente? Et quel argent on va mettre au service de ce spectacle-là? C'est pas encore tout à fait clair si c'est un spectacle bénéfice, mais ça va se clarifier rapidement. Et des millions vont être engloutis, autant du gouvernement ontarien que du gouvernement fédéral, qui vont chacun offrir plus de 3 millions de dollars. Et qui dit politique aérie, puis ça va chamailler, là, même sur la paternité. C'est mon idée, puis c'est plus mon idée que la sienne. On va assister à ça, là. Absolument, puis on va aussi voir le projet comme un projet vanité pour le député Mills. Il faut dire que Dennis Mills a, dans son comté Toronto-Danforth, depuis quelques semaines seulement, un adversaire redoutable. C'est Jack Layton, qui vient d'être élu comme chef du NPD et qui a déjà annoncé qu'il allait se présenter l'année suivante dans le comté de Toronto-Danforth. Donc, Dennis Mills sait qu'il aura un adversaire sérieux et ses adversaires politiques. Il y en a quelques-uns qui sont très vocaux, notamment Peter Cormos, qui est un député provincial ontarien, alors porte-parole de l'opposition à l'Assemblée législative ontarienne, qui va dire « C'est clairement parce que M. Mills veut sa photo avec Keith Richards des Rolling Stones et c'est pas pour le bien de la région. » Lui représente le Golden Horseshoe, la région Niagara, et voit difficilement comment ça va aider les petits commerçants locaux de la région Niagara que de tenir un gros concert rock. Évidemment, vous l'avez un peu évoqué, Karine Lefebvre, la pièce de résistance de ce spectacle du 30 juillet 2003 à Toronto, c'est la présence des Rolling Stones, ce qui fait qu'on a fini par dire qu'au fond, ce spectacle-là, ça avait été un spectacle des Rolling Stones à pas cher. Ben oui! Comment, cela dit, c'est brillant, les Rolling Stones, c'est pas rien. Comment on réussit à les intéresser? Pourquoi ils décident de s'embarquer dans ce spectacle à Toronto? Bon, il y a quelques pistes ici aussi qui nous laissent croire qu'ils l'ont fait. D'abord parce qu'ils ont une affection réelle pour la ville de Toronto. C'est une ville à l'époque où ils tiennent régulièrement leurs répétitions de grandes tournées mondiales. Ils l'ont fait 3 fois par le passé, donc ils ont l'habitude de fréquenter la ville. Mais je pense que l'argument massue ici, c'est le promoteur de tournée des Stones, Michael Cole, qui quelques années plus tard va devenir grand patron de Live Nation, la plus grande entreprise de divertissement dans le monde. Donc c'est un homme d'affaires très influent qui a quand même moyen de convaincre les Stones, et ils vont le faire en disant brièvement qu'ils aiment la ville et qu'ils veulent apporter leur soutien. Vous disiez que c'est un concert des Stones pour pas cher. C'est le cas. En 2002-2003, un billet pour les Stones, c'est à peu près 200 à 300 $. Ouais. Pouvoir voir les Stones en extérieur, en concert extérieur, pour 21,50 $. Une aubaine. C'est une aubaine. Ben oui. Et ça va sans doute convaincre bien des gens. D'ailleurs, sur place, pendant l'événement, quand il y aura des Vox Pop, on va demander aux gens qu'est-ce que vous pensez de la journée. Puis les gens veulent juste voir les Stones. La plupart des visiteurs ne savent pas tout à fait que le concert est organisé pour venir en aide aux gens qui ont souffert du virus du SRAS. Ouais. Donc, ça reste un concert des Stones dans l'esprit populaire et c'est comme ça qu'il sera retenu. Cela dit, il faut être honnête, il y a quand même, bon, je le disais, une quinzaine de groupes qui vont succéder sur scène. Puis il y a quand même dans cette quinzaine de groupes des formations assez costaudes. Il faut le dire, oui. AC/DC, qui seront peut-être les véritables stars de la soirée. Ils vont monter sur scène un petit peu avant les Stones. Ils vont offrir presque 1 heure de spectacle. La foule est très heureuse de les voir. On voit beaucoup au sein de la foule de chandails d'AC/DC. La formation est solide, très rock aussi. Les chansons sont connues. Angus Young va faire tout un spectacle. Donc, on peut dire que ce sont eux peut-être qui ont le plus brillé pendant l'événement. Les Stones monteront sur scène vers 21 heures seulement. Le concert va débuter autour de midi. Parmi les formations qu'on va inviter, il y aura de gros canons, pas tous canadiens. Il y en aura quelques-uns. La formation Rush, qui n'est pas habituée à ce genre d'événements bénéfices où il y a plusieurs formations d'invités. Pas vraiment leur truc, mais c'est une formation de Toronto. Ils vont accepter l'invitation, ils y seront. Ils seront aussi généreux. On va noter des formations canadiennes connues comme Blue Rodeo, The Tea Party, Sass Jordan aussi. Oui. Et quelques petits nouveaux, comme le Montréalais Sam Roberts, qui à l'époque est presque inconnu. Le 2003, il débute sa carrière. Et la formation La Chicane, formation d'Abitibi, seule francophone à faire partie de la carte. Viens donc me voir, on n'en parlera pas. Tu couches dans ton char depuis hier soir. Viens donc me voir, parce que je te comprends. Passe-moi ici, y'a pas si longtemps. Mais viens donc me voir, pour faire un semblant. Faire le coq, le chien savant. Le gars qui est au-dessus de ses affaires. Viens donc me voir pour passer le temps. Viens donc me voir en attendant. Viens donc me voir. La Chicane, seul groupe francophone, Karine Lefebvre, a participé à ce spectacle Toronto Rocks. On peut se demander... Pourquoi la chicane? Ben pourquoi la chicane? Encore là, quelques pistes de réflexion. On est au début des années 2000. Il faut savoir que la chicane va remporter au prix Juno, donc récompense de la musique canadienne, le Juno du meilleur album francophone de l'année, donc à peu près 2 ans avant. En 2000 aussi, la chicane sera invitée à aller jouer devant Team Canada pendant les Jeux olympiques de Sydney. Donc, ils bénéficient quand même d'une certaine visibilité en dehors du Québec francophone. Mais au-delà de ça, la foule ne les connaît pas vraiment. Là, ils sont devant près de 500 000 personnes, on le disait tantôt, qui sont clairement venues voir un spectacle rock. Il y a un peu de rock, mais ils n'auront que 3 chansons pour se défendre, dont celle que vous venez d'entendre, « Viens de me voir », qui est un grand succès en musique francophone. Somme toute, ils feront partie de l'offre globale, mais ce ne sera pas un grand, grand moment musical pour eux. Là. Puis à l'heure des charges, ça va être le cas pour plein de groupes là, qui vont... Parce que ça commence à midi. On va le faire ensemble, le déroulement de cette journée, mais il y a plein de groupes qui sont là. En fait, ce qu'on attend, c'est le clou, c'est ici, d'ici, c'est les stars. Stones. Comment ça se déroule, cette journée-là? Alors, la foule va investir le site de Downsview Park, qui est une ancienne base militaire, là, à peu près en début de journée. Les portes ouvrent vers 8 heures. Le métro est gratuit, donc les déplacements, ça se passe de façon très canadienne. Tout le monde est très poli. Il n'y a pas de bousculade. Ouais. Ça prend à peu près une heure de l'entrée du site jusqu'à la scène. Donc, et c'est pas dit que vous entendez ce qui est sur scène quand vous arrivez sur le site. Il y a beaucoup de gens qui n'entendront même pas les performances des premiers artistes qui vont fouler les planches cette journée-là, dont La Chicane, qui va être là au milieu de l'après-midi. Sur place, ben, y a pas trop de chahut quand même. On a bien organisé les choses. On a vendu des billets pour la nourriture. Il paraît que c'est difficile de s'acheter une bière sur place, mais le cannabis, lui, on le sent un peu partout. On était à ce moment-là au Canada en train de se demander si on n'allait pas décriminaliser le cannabis. Le projet n'avait pas passé, malheureusement. Mais il y avait une certaine tolérance, nous dit-on, de la police de Toronto. Mais sinon, ça se passe relativement bien. Quelques personnes qui se dénudent pendant la soirée. La soirée va être captée via DVD. Mais sinon, rien à signaler. Captée via DVD, moins bien réussi la captation de cette et la diffusion surtout de ce spectacle-là à la télé. Puis en fait, parlons de ça un peu. Les problèmes de diffusion, on voulait que ce soit vu dans presque 200 pays, je pense. Il y a vraiment du cafouillage et la couverture médiatique qui est pendant... On voulait qu'il y ait comme un build-up, passez-moi l'expression, pendant toute la journée... À part les réseaux, quelques réseaux canadiens, un peu aux États-Unis, c'est un flop, finalement. Il paraît que les journalistes ont de la difficulté à accéder au site. C'est CBC qui a le droit de diffuser le spectacle seulement à partir de 21h. Quand les Stones arrivent, on va diffuser un montage des meilleurs moments de la journée, puis ensuite le spectacle des Rolling Stones. Sinon, dans la journée, c'est Much More Music qui serait l'équivalent de Musimax, si vous voulez, ici, qui va se charger des coulisses, mais ils n'ont pas accès aux artistes. Donc, on nous donne une impression de ce dont le spectacle a l'air, mais sans plus. Les médias internationaux ne vont pas trop s'y intéresser. Et la diffusion dans le monde là, que nous avions prévu devait se faire par le web. Le site de CBC va planter très tôt le matin. Et donc, les pays ne pourront pas regarder le spectacle en direct. Le spectacle sera disponible pendant les jours suivants. Et on voulait aussi diffuser le spectacle à tous les militaires canadiens éparpillés un petit peu partout dans le monde. Mais au-delà de ça, CNN aura fait quelques mentions du spectacle. Mais encore une fois, là, Jacques, on se concentre sur les Stones et on évacue vraiment le reste de la carte prévue cette journée-là. Ouais. Il y a le chanteur américain Justin Timberlake, duquel on n'a pas encore parlé, Karine Lefebvre, qui participe à ce spectacle-là. Puis on va en parler parce qu'il commence à peu près sa carrière solo à ce moment-là, en 2003. Il participe au concert Toronto Rocks. Et des années plus tard, il se souvient encore très, très bien de ce qui s'est passé sur cette scène à Toronto. Et vous allez comprendre pourquoi. To the show, I look at the bill and it's the Rolling Stones and AC/DC and the Guess Who. Je regarde la liste des invités du spectacle et je vois les Rolling Stones, AC/DC et les Guess Who. Vous voyez le portrait? Et en quelque part, au milieu de tout ça, il y a moi. Somewhere in there, me. And we probably, I think this festival in one day housed 500,000 people. Je crois que le spectacle a attiré 500,000 de personnes en une journée. C'était fou. Nous sommes montés sur scène et soudainement, arrivent des deux premières rangées des bouteilles d'urine qui sont lancées sur scène. Disons que ça n'a pas toujours été de beaux moments pour moi. All of a sudden, bottles of urine were then thrown on the stage. It wasn't always good times for me, you guys. Justin Timberlake à l'émission Graham Norton Show à la BBC en 2020. C'est tout dire, ce qu'on vient d'entendre. Il va vivre ça, Timberlake, sur scène le 30 juillet 2003. Mais En fait, cette mésaventure, ça reste vraiment, Karine Lefebvre, l'un des faits saillants de ce spectacle-là. Malheureusement, Jacques, c'est un peu comme ça qu'on s'en souvient. Ouais. Il va être invité, le jeune Justin Timberlake, par les Stones eux-mêmes. Il lance sa carrière solo. Il sort d'un boys band, essentiellement. Vous l'avez entendu, c'est pas très rock, ce non. que propose Justin Timberlake. Et très rapidement, la foule va le huer, lui lancer des projectiles. Et le soir, les Stones vont le ramener sur scène. Il va accompagner Mick Jagger. Et quand la foule recommence à chahuter, c'est Keith Richards qui va activer la foule et leur dire « Si vous voulez l'atteindre, vous devez m'atteindre, moi. » Et là, la foule va se calmer. Donc, je comprends c'est un pourquoi. Beau geste. Ouais, absolument. Ouais. Mais disons que pour Justin Timberlake, ce ne fut pas un moment très glorieux dans sa carrière. Ouais. Terminons en fait en parlant peut-être un peu des retombées mm-hmm. directes. On l'a vu dès le départ, des objectifs très, très élevés qu'on n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en termes de participation du public, en termes d'impact médiatique avec cet échec de la diffusion web prévue à CBC. Pour le reste, il y avait quand même des objectifs financiers, il y avait l'objectif de donner de la visibilité à Toronto, de dire au monde, venez, revenez à Toronto. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on a pu le mesurer, l'impact réel avec le recul? Ça va être difficile à quantifier. On va donner 100% de la vente de produits dérivés, par exemple, à ce fonds d'aide-là. Les Stones vont donner 50% de leur vente de produits dérivés aussi à l'événement. 1$ par billet remis aussi sera mis. On estime à peu près 1,5 million là, qui sera remis via ces dons-là. Par contre, il y a des compagnies de crédit qui ont essayé de mesurer l'impact financier du passage de tous ces gens dans la ville de Toronto. On estime quand même à 75 millions de retombées économiques, donc de transactions de crédit, de débit qui auraient été faites, ce qui est somme toute pas mal. Ouais. Quant aux retombées touristiques, c'est vraiment difficile à estimer. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été le temps d'un moment, un moment pour Toronto de rayonner, de montrer qu'on pouvait organiser ce genre de spectacle d'envergure-là, mais par ailleurs, on n'en a pas refait d'autres de ce genre d'événements bénéfices-là. Donc, disons que le côté bénéfice a eu moins d'impact que possible. Par contre, on a profité de l'événement pour aussi sensibiliser la planète au bœuf canadien. Rappelez-vous, on vivait une épidémie de ce qu'on appelait la vache folle, donc encéphalite spongiforme bovine. Et il y a 4 premiers ministres de l'Ouest qui avaient participé à un barbecue géant le 30 juillet pendant le SARS-Stock. Pendant que les gens attendaient, déjà le spectacle était commencé, mais il fallait manger. Un bon burger de l'Ouest canadien. Donc, on aura profité de ça. Une opération de relations de public, essentiellement. Mais au-delà de ça, c'est puisque la plupart des gens ont oublié cet événement-là, on ne peut pas dire que c'est un grand moment de l'histoire canadienne. Mais quand même, Karine Lefebvre, vous nous avez rappelé que ça a existé, oui. ce spectacle-là. Merci beaucoup de votre passage à l'émission. Merci. Grand plaisir. Karine Lefebvre, qui, je vous le rappelle, animera pour une partie d'été l'émission le 15-18 à Ici Première, que vous pouvez entendre à d'autres émissions aussi à notre antenne. Merci beaucoup encore une fois. Merci à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Fanny Leblanc et Yvette Kéméré, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.